à l'Halloween Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Asmodeus, Satanas, Lucifer. We'll be right back.

A song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Spinning round and round, round and round, and round it goes. hypnotized. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say. Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. Sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Grand spécial d'Halloween Mélomane ce soir. Mathieu Lajoie au micro, comme toujours. Et oui, ça risque d'être assez différent ce soir. Assez effrayant par moments. Âme sensible, s'abstenir. Vous n'avez rien vu encore. Mais âme curieuse, précipitez-vous parce qu'il va y avoir toutes sortes de choses terrifiantes ce soir et plein de curiosités. On entend en ce moment même le fameux thème, des X-Files composé par Mark Snow en 93. Et tout un bloc avant ça, on a entendu le Steve Miller Band relativement tard dans leur carrière en 82 avec le hit Abracadabra, une chanson partiellement inspirée par Diana Ross. Et Capitol, qui avait initialement refusé de sortir la chanson, voyant absolument pas le potentiel du truc, histoire classique, c'est devenu un gros hit. Radiohead aussi, juste avant, avec la très glauque Exit Music for a Film, originalement inspiré à Thom Yorke, chanteur du groupe, par Roméo et Juliette de William Shakespeare, plus particulièrement la version de Franco Zeffirelli de 1968. Zeffirelli qui va faire un grand metteur en scène d'opéra et de Jésus de Nazareth, entre autres, qui avait vu Thom Yorke, évidemment, étant plus jeune. Et le destin fait bien les choses parce que sa chanson va finir par apparaître dans le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann en 96, fameuse version avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Un film dans lequel on va aussi pouvoir entendre un autre de leurs chansons, Talk Show Host, celle-là exclusive au film parce que Exit Music va finir par atterrir un an plus tard, en 97, sur le chef-d'œuvre de Radiohead, l'excellent OK Computer. Et sans tomber trop dans les détails, un petit procédé musical qu'on appelle la Six Napolitaine qui unissait cette pièce-là et le thème d'avant. On pouvait l'entendre, on a entendu le thème, certains s'en souviendront, de l'émission jeunesse « Fais-moi peur ». Are You Afraid of the Dark? Version originale des années 90. Thème très court, composé par Jeff Zahn, compositeur canadien. Sinon, on a eu un petit doublé imaginoir avec ce bon vieux Frank Sinatra en 61. Deuxième version de la chanson, il y avait une première version plus balade. On a entendu celle qui swing, That Old Black Magic, précédée, croyez-le ou non, The Slayer, en début de carrière, avec tout simplement Black Magic de 83, album Show No Mercy. Le tout amorcé par le groupe suédois Ghost, qui a connu un grand succès dans les dernières années. On les a entendus ici avec la très diabolique Year Zero de 2013. Et le thème de l'émission ce soir, nul autre que Danny Elfman, compère de toujours de Tim Burton pour presque tous ses films, Batman, Édouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow, L'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. On en passe. L'homme derrière le thème des Simpsons aussi. Bref, une star de la musique du cinéma qu'on a entendu ici avec le très approprié thème de Tales from the Crypt, fameuse série d'horreur diffusée pour la première fois en 1989. Mais qui a connu plusieurs regains au fil des années. Et là, on s'en va du côté des années 80. Premier balbutiement de la musique industrielle. On écoute Ministry avec Every Day is Halloween, 99 ans et 88.9 CFNG. We'll be right back.

CFNJ 99.1, 88.9. En plein Halloween, Mélomane ce soir, comme en témoigne ce fameux thème composé par John Carpenter, qu'on entend en ce moment même. John Carpenter, connu pour composer lui-même la musique de ses films, chose assez rare, dont évidemment Halloween, premier du nom, en 1978, méga classique du genre qu'on va appeler le slasher film. Et dans ce film-là, on peut aussi entendre la pièce qu'on a entendue juste avant, soit le groupe Blue Oyster Cult avec Don't Fear the Reaper, sorti originalement 2 ans avant le film, en 1976, sur l'album Agents of Fortune. On a aussi entendu Vic Midi avec le thème de la série originale de la famille Adams en 1964, bien avant les remakes des années 90. Ou la version animée toute récente. Et sinon, ben juste avant, on a peut-être choqué quelques oreilles chastes, ou du moins, on en a surpris quelques-uns avec un groupe assez récent, les très talentueux Zeal and Ardor, qu'on a entendu avec Don't You Dare de 2018. Un groupe qui fait l'hybride assez improbable du Negro Spiritual, un style afro-américain très ancien, qui contribue à forger le gospel et le blues avec le black metal norvégien seconde vague, musique très violente née dans les années fin 80 et début 90. Une musique très européenne et on ne peut plus blanche, donc quand même assez particulier, mais très intéressant et original comme mélange. Pour ceux qui aiment, évidemment, on a aussi entendu, et oui, on a fait jouer du Billie Eilish à Mélomane, croyez-le ou non. Nouvelle sensation, jeune artiste, quand même très talentueuse et assez particulière, Billie Eilish, 17 ans, avec la très glauque Bury a Friend, enterrer un ami. Chanson très bien produite, pas un mot à dire de ce côté-là. Et nous, ben, un gros programme à venir encore. Qu'est-ce qu'on veut à l'Halloween, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'on veut à l'Halloween? Ben, on veut des friandises. Tout ça au 99.1 et 88.9. CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Thank you. the blissfully attendu pour l'Halloween sur la Nausière. Cette nuit, pluie intermittente, minimum de 5 à 9 degrés. Pluie pour jeudi, 10 à 20 mm, maximum de 13 à 16 degrés. De la pluie parfois forte dans la nuit de jeudi à vendredi, 40 à 50 mm. Température de 2 à 7 degrés. Et toujours des averses, journée venteuse, il pourrait y avoir de la neige sur les secteurs du nord. Vendredi, maximum de 1 à 5 degrés. CFNJ 1, grand spécial Halloween Méloman ce soir avec un thème que tout le monde connaît et qui nous vient de la série originale Twilight Zone, la quatrième dimension, production de Rod Sterling, diffusée de 1959 à 1964. En fait, on va décider de combiner deux pièces de Marius Constant, soit un compositeur français, classique, avant-garde, soit Étrange 3 et Milieu 2. pour faire le thème de Twilight Zone tel qu'on le connaît. En fait, on va entendre ce thème-là à partir de la saison 2 seulement. Auparavant, c'était une musique de Bernard Herrmann, qu'on va entendre tantôt d'ailleurs, qui faisait office de thème pour la saison 1. On va ensuite la remplacer par le thème mieux connu de Marius Constant, qui va faire la renommée de l'émission. Et juste avant la météo, ben c'est The Cure qu'on a entendu avec Lullaby, une chanson apparue sur Disintegration de 1989. Un album que plusieurs fans considèrent comme la consécration de The Cure. C'est définitivement un de leurs grands albums. Et le clip de Lullaby, qui avait été réalisé par nul autre que Tim Burton en personne, dont on a parlé tantôt. Et pour rester dans le thème de la berceuse effrayante, on a entendu juste avant ça Rosemary's Lullaby, aussi connu sous son titre original de Sleep Safe and Warm, qui nous vient du très effrayant Rosemary's Baby de Roman Polanski en 1968. Une musique chantée par l'actrice principale du film, Mia Farrow, et composée par Christophe Komeda. Tout ça dans un film assez particulièrement anxiogène, surtout quand on connaît les histoires assez horrifiantes entourant la vie de Polanski. Et juste avant, parlant d'horrifiant, un thème tout aussi court et magnifique d'un compositeur que j'adore. On a entendu le thème du film Candyman de 1992, Music Box, par Philip Glass, roi du minimalisme. Un bel exemple d'un thème qui vieillit, à mon avis, beaucoup mieux que son film. Sinon, un bon petit groupe indie de France, très intéressant, que je vous invite à découvrir, John and Jen, qu'on a entendu avec Vampire de 2010, qui précédait Bow Wow Wow en 1982, avec leur reprise d'I Want Candy originalement, des Strange Loves en 1965. Et nous, ben, on se retourne vers le monde des fantômes, des monstres et du démon. Mais tout d'abord, le monde encore plus tangible, des tueurs fous. Tout ça, l'Halloween, Méloman, 99.1 et 88.9, CFNJ. On fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer. Qu'est-ce que c'est? We'll be right back.

In fact, immediately after the consummation of her marriage to the smaller and weaker male of the species, she kills and eats him. Oh, she is delicious. And I hope he was. Such power and dignity, unhampered by sentiment. If I may put forward a slice of personal philosophy, I feel that man has ruled this world as a stumbling, demented child king long enough. And as his empire crumbles, my precious black widow shall rise as his most fitting successor. At hand, creatures crawl in search of blood.

wird sich nie die Schuhe gemurrt, was sie ist. Et 88.9 CFNJ avec une pièce qu'on entend en ce moment, des plus lugubres, compositrice du nom de Jocelyn Pook, qui en 1997 va faire un album du nom de Déluge, que Stanley Kubrick, légende entre les légendes du cinéma, va entendre. Il va aimer ça. Il va lui demander de composer la musique de son prochain film Eyes Wide Shut, Les yeux grands fermés, 1999. Et c'est une pièce de ce film-là qu'on entend justement, The Masked Ball, fameuse scène du bal masqué, pour ceux qui l'ont vu, de ce qui va s'avérer être le dernier film de Stanley Kubrick, qui va décéder le 7 mars 1999, soit exactement 666 jours avant le 1er janvier 2001. Lui qui est à l'origine du film culte 2001. Odyssée de l'espace. Évidemment, ça va susciter plein de théories conspirationnistes. On va dire que Stanley Kubrick, le grand symboliste, est mort parce qu'il y avait... il en avait un petit peu trop révélé. Comme par exemple les soirées de débauche occulte auxquelles se livre, comme dans la scène du bal masqué en question, le fameux 1% qui en sait plus que nous. Bref, le pire, c'est que c'est pas impossible, sans tomber dans l'extrême, de penser qu'un intellectuel comme Kubrick, qui faisait jamais rien pour rien et qui truffait ses films de symboles, aurait fait ça totalement innocemment, surtout à la lumière des scandales plus récents de Harvey Weinstein à Hollywood et compagnie. Bref, et pour rester dans le thème du démon, on a entendu The Number of the Beast, 1982, Iron Maiden, qui s'est avéré faire partie d'un petit triplé Vincent Price, un acteur connu pour ses apparitions dans plusieurs films d'horreur des années 40, 50 et 60, qu'on a pu entendre dans les trois dernières pièces, soit The Number of the Beast, précédé de Thriller de Michael Jackson, évidemment toujours en 82, et Devil's Food de ce cher Alice Cooper qui, en 1975, débute sa carrière solo. Parce qu'avant ça, Alice Cooper, c'était un groupe, on en avait déjà parlé à l'émission. Donc, il commence sa carrière solo avec l'album Welcome to My Nightmare. Et il va décider de faire appel à la voix de Vincent Price pour sa chanson Devil's Food, ce qui va donné l'idée à Michael Jackson et Iron Maiden, tous deux en 82. Donc, c'était notre petit hommage à Vincent Price, un maître de l'horreur qui va jouer dans plein de films. En fait, pas juste dans les années 40 à 60, on peut même le voir dans Édouard aux mains d'argent, justement, dont on parlait tantôt, Tim Burton, l'inventeur d'Édouard aux mains d'argent, en fait. Tim Burton qui va avoir la chance de faire jouer, en fait, Vincent Price, un de ses tout derniers rôles. Sinon, il a été de gros classiques de l'Halloween. Faut bien mettre une coupe de classiques. Le Monster Mash de Bobby Boris Pickett en 1962, qui suivait évidemment le Must de Ray Parker Jr., thème de Ghostbusters en 1984. Même si c'est un rip-off de Huey Lewis and the News, petite montée de Lacey. D'ailleurs, on avait demandé à Huey Lewis de faire la musique de Ghostbusters, mais il avait été obligé de décliner parce qu'il était déjà engagé à faire la musique de Retour vers le futur, The Power of Love, entre autres. Et comme par hasard, on demande à Ray Parker Jr. de faire la musique et il nous pond une chanson avec un riff qui ressemble en tout point à I Want a New Drug de Huey Lewis. Bref. Et sinon, Bernard Herrmann, juste avant, dont on a parlé tantôt, dont la musique pour la première saison de Twilight Zone a été remplacée par celle de Marius Constant, dont on connaît parfaitement, par contre, sa musique pour le film Psycho, Psychose d'Alfred Hitchcock en 1960. On a entendu de Murder, fameuse scène de la douche du gros classique du cinéma. D'ailleurs, petit fait intéressant, Hitchcock avait décidé de tourner ce film-là en noir et blanc par choix, même si ça faisait depuis les années 40 qu'il avait fait des films en couleur. On est quand même en 1960. Exactement pour cette scène-là de la douche, pour la rendre moins choquante pour le grand public avec le sang et tout. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on avait pris du sirop au chocolat, style quick, liquide, pour le sang en question. Ça, en noir et blanc, ça paraissait comme du sang. Et tout ça faisait partie d'un doublé de tueurs fous avec Psycho Killer, gros classique pour les Talking Heads en 1977 sur leur premier album. Et nous, ben, on s'en va un peu dans les années 80. Je sais pas si vous avez déjà eu l'impression désagréable d'être suivi, mais tout d'abord, des paroles qui glacent le sang auxquelles vous avez peut-être pas jamais pris le temps de porter attention. On écoute Geneviève Lapointe, alias Dolby Stéréo, nous chanter ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. On l'a trouvé en mille morceaux, pauvre.

Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Toujours au grand spécial d'Halloween Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ avec le bal masqué de la compagnie créole en 85 qui suivait inopinément le groupe de black metal norvégien Satyricon avec Walk the Path of Sorrow en 1993. Et oui, je le sais, je vous épargne pas en cet Halloween Méloman, mais sinon... Un peu plus léger, on a entendu le thème, certains l'auront sûrement reconnu, de The Walking Dead, composition de Bear McCreary en 2010. Sinon, un petit détour vers le goth rock, le rock gothique des années 80 avec le classique des Sisters of Mercy, This Corrosion, en 1987, qui suivait Bauhaus avec Peter Murphy, qu'on a écouté en version solo il y a deux émissions de ça avec A Strange Kind of Love. Mais là, on a entendu Bauhaus, son groupe pionnier du rock gothique, pardon, en 1979, avec Bela Lugosi's Dead. Bela Lugosi, qui était un vieil acteur de films d'horreur, encore plus vieux que Vincent Price, dont on parlait tantôt. On parle des années 10, 20, 30, 40. Un des premiers incarnés le fameux comte Dracula. Et sinon, un groupe punk d'horreur très connu grâce à Cliff Burton de Metallica, les Misfits, groupe au sein duquel on pouvait retrouver Glenn Danzig, qui va plus tard former Samhain, vieille fête païenne qui va devenir l'Halloween, by the way. Et le groupe a son nom Danzig, mais c'est dans son premier groupe punk, les Misfits, qu'on a entendu en 1981 avec tout simplement Halloween, qui suivait Rockwell, fils de Berry Gordy, fondateur de l'étiquette Motown, avec le hit Somebody's Watching Me de 1984. Chanson sur laquelle on peut entendre Michael Jackson et son frère Jermaine au cœur. Tout ça amorcé par Geneviève Lapointe dans le rôle de Dolby Stéréo pour la comédie musicale La Pied de Poule, version 1982, avec la chanson du même nom, comédie musicale dans laquelle on pouvait retrouver, entre autres, Normand Brathwaite et Marc Labrèche. Et nous, définitivement, en supplémentaire, ce soir, toujours en plein spécial d'Halloween Méloman. Parlant de spécial, on écoute le groupe ska The Specials avec La Ville Fantôme au 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie.

back to hell. What? Trust me, Cage, it's the only way. What the fuck are you talking about? To be your little bitch. Fine. Let the rock off begin. There's just no way that we can win. That was a masterpiece. Listen to me. He rocks too hard because he's not a mortal man. God damn it, Cage! He's gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucker down. He's gonna rape me if we do not blow doors down. Lame. Come on, Cage, you're coming with me. Taste my lightning, fucker. No! Oh, fuck. My fucking horn. Oh, no. From whence you came, you shall remain until you are complete again. Et on entend à nouveau John Williams, 99.1 et 88.9 CFNJ, en plein spécial d'Halloween mélomane. Avec un thème que plusieurs ont sûrement reconnu, soit celui d'Harry Potter en 2001, qui s'appelle en fait le thème d'Hedwig, la chouette d'Harry, qui suivait un doublé qui, je l'espère, a fait le bonheur de certains. Les connaisseurs, j'ai nommé les fans de Tenacious D, duo formé de Kyle Gass et de l'acteur Jack Black, qui rock plus fort que tout le monde avec The Greatest Song in the World, la plus grande chanson jamais composée, selon les dires de Tenacious D, Beelzebub, sorti pour le film The Pick of Destiny en 2006, précédé de l'hommage à cette même chanson, la plus grande chanson jamais composée, Tribute, sorti en 2001. Tenacious D, un groupe que je vous encourage fortement à découvrir, si ce n'est pas déjà fait. On a entendu aussi du Beyoncé, ben oui, du Beyoncé avec Ghost de 2013, une chanson issue d'une autre pièce qui s'appelle Haunted. Ça suivait le classique I Put a Spell on You avec Screamin' Jay Hawkins en 1956 qui nous a jeté un sort, une chanson qui va être reprise par tout le monde, de Nina Simone jusqu'à CCR, etc., etc. Tellement que c'est lui qui va précéder Screamin' Jay Hawkins, Arthur Brown et Alice Cooper dans les avenues lugubres du shock rock. Donc vraiment un prédécesseur de tout le monde, Screamin' Jay Hawkins, un des premiers à se déguiser et tout. Et nous, ben, on remonte considérablement dans le temps jusqu'en 2011 avec un groupe canadien, Timber Timbre, qui nous parle d'un mauvais rituel. Tout ça au 99 ans, CFNJ. Let's take the season very easy. Let's take pills, salt, water. Let's keep looking ahead. It's a baby ritual, but it calms me down. It's a there is proof of your love for him long after it's dead. And every creak and trigger, I will think of you with others I could not smother out. That fire in my head, and I saw your levitating chair. I found your long blonde hairs. I felt your poltergeist present in the frame of the bed. Every creak is a trigger. I will think of you with others. I found depravity convinced me I may no longer care. It's a baby ritual, but it calms me. Where was London? kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ahoo, werewolves of London. Hairy-handed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah-hoo, werewolves of London. I saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw werewolves drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect. Thank you. We'll be right back. et toujours en plein spécial d'Halloween Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Et un bloc qui vient de se terminer avec une pièce de 1939 composée par Harold Arlen et chantée par Billy Burke et nul autre qu'une jeune Judy Garland. Pour le magicien d'Oz avec Ding Dong, The Witch is Dead. Et tant qu'à y aller avec les sorcières, on a aussi entendu Witchy Woman des Eagles en 1972, chanté par Don Henley. Et sinon, on y a été plus dans la thématique des monstres avec Frankenstein du Edgar Winter Group en 1972. Edgar Winter, le frère de Johnny, qui suivait une chanson qui nous parlait de loup-garou, cette fois-ci avec Warren Zevon, qui nous chantait Werewolves of London en 1978. Et nous, ben, c'est déjà tout pour ce super spécial d'Halloween Méloman. J'espère que vous avez eu bien du fun ce soir. On se retrouve dans nos belles pantoufles de Méloman varié format classique mercredi prochain 20h. Mais vous savez que je vous laisserai pas comme ça. On écoute un grand classique, la fameuse danse macabre du magnifique compositeur français Camille Saint-Saëns, composition de 1874. Mais tout d'abord, un must de l'Halloween de Mike Oldfield en 1973, qui s'est retrouvé dans le film L'Exorciste. Sur ce, passez une très bonne nuit. Thank you.